Amen. Amen. C'est moi. Il a fait ce que les deux ont dit de faire. Et il est en train de dire quand il va venir, il dit que quand il va venir, alors souriront. Il viendra lui-même vous sauver. Il est venu, il a sauvé. Il va lui quelque chose avant qu'on passe la parole. Vous pouvez être monté, tu vois, vous serez amusé. Vous serez amusé maintenant. Est-ce c'est moi qui vais dire la personne qui va lire, d'accord? Oui, la personne qui va lire, parce que je connais vos personnes publiques. Tu sais l'histoire? Et tu ouvres la Bible en style d'argent, tu dis comment? Est-ce que tu es de toi? Toi, le garçon, il croit que le pasteur, il faut qu'il s'assoie à côté de toi. Ta Bible, ouvre la première page de ta Bible. Compte 5 feuilles, toi. 5 feuilles. Quand tu vas arriver à la cinquième feuille, on va dire ce qui est écrit là-bas. Compte. Cinquième feuille. Là-bas, c'est écrit dans à la cinquième feuille, c'est écrit le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cinquième feuille. Donne au pasteur comme ça, parce que compte première feuille. Allons-y, compte première feuille. Première, deuxième, troisième, quatrième, puis... Cinquième, nous voir cinquième. Allons-y, lis ce qui écrit. Le Nouveau Testament de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Paul lui a écrit, traduit, traduction d'après le texte grec par Louis II. Une édition, docteur en théologie, version revue 1975. Mais ça, je sais pourquoi, il y a le pourquoi, je vous demande de lire. I know I asked you to read it. Vous êtes avec Timothée, tu vois, nous pas encore ici. Ici, on a des traductions de Louis II, docteur en théologie. C'est ça? Docteur en théologie. Ça part de quelle version? Louis II. Non. C'est la version de quelle version? C'est quand même pas la version que c'est. Non, Louis II, ça c'est Louis II. Louis II. Donc ici c'est Louis II. Nous ne pas encore. Toi, tu as quoi? Ma Bible. Oui. Tiens. Ben, c'est un Louis II. Et si on a un allons-y. 1, mon Dieu, 3. Écoutez tout attentivement. Verset 16. 1, 2, 3. 1, mon Dieu, 3, mon Dieu, 16. Verset 16. Oui. Étant converti. Ne dis pas encore là. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Là-bas, dans Louis II, on dit que c'est lui qui a été le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté, celui qui a été manifesté dans la chair. On parle clairement là de Jésus, pas vrai? Mais ce qui est écrit ici, lisez ici, oui, écoutez. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. Dieu a été manifesté en chair. Stop. Lis toi. Celui qui a été. Tu commences? Oui. Et sans convertir le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté par chair, distribué par l'esprit, vu des anges, prêté aux gentils, pris dans le monde, élevé dans la gloire. Quand tu lis ta Bible à la maison, tu sais qu'on avait parlé de qui ici? De Jésus. Maintenant, ici littéralement, il est écrit qui? Il est écrit que Dieu a été manifesté en chair. Donc la personne que nous prêchons, c'était Dieu venu dans la chair. Amen. Mais parce que Louis II qui écrit ici Dieu. Il écrit ici c'est lui. Pourquoi il écrit ici c'est lui? Vous regardez la version grecque de ce verset. Donc dans l'original, c'est écrit Théos. Et Théos, ça veut dire Dieu. Vous posez la question, pourquoi quelqu'un change Dieu? Il voit clairement Dieu en écrivant il écrit c'est lui. On a voulu toujours cacher la divinité du Seigneur Jésus. Mais c'est écrit là que le mystère de la piété est grand. Dieu est venu dans une chair humaine. Amen. C'est ce qui est écrit. Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Dieu est entré dans une chair. Dieu qui est entré a pris forme de la chair. Voilà ce qui est écrit. Donc Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Quelqu'un dit Emmanuel. Emmanuel. Le dit Emmanuel. Parce que tu as dit Dieu parmi nous. Donc Jésus était Dieu parmi nous. Le Dieu d'Israël qui était dans le tabernacle. Dans la colonne de nuit, dans la colonne de feu. Il a quitté la colonne de feu pour entrer dans le corps humain. D'un nom. Mais c'est toujours dans l'église. Non, il est dans le chef. Par le Saint-Esprit. Amen. Tu veux ta frère? Maintenant, écoutez très rapidement. On dit Dieu a été manifesté en chair. God was manifested in flesh. Et on dit mystère. Et quand on dit mystère, c'est quelque chose qui est caché, voilé. C'est pour ça que ça crée problème. That is what it brings to. Il doit être révélé. It needs to be revealed. Tout un livre lui est consacré. Everything has been consecrated. The title of the book is the revelation of Jesus. Donc, ça vous amène. If it comes to you, allez dans l'Apocalypse, vous allez voir qui il est. Go to Revelation and you see. Vous allez voir qui est assis sur le trône. You will see who is sitting on the throne. Vous allez savoir de qui il est question. You will know who is on the throne. Au ciel, il n'y a pas deux thrones. In heaven, there are no two thrones. Il n'y a qu'un seul trône au ciel. There is only one throne. Et celui qui juge, c'est Jésus. And he who judges. La Bible déclare même dans Acte chapitre 17 que Dieu sans tenir compte des temps d'ivoire annonce maintenant à tous les hommes. Que tous les hommes en plus lui doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il veut juger les hommes par les hommes. Par l'homme qu'il a ressuscité des morts. By the man that has resurrected the dead. Donc c'est l'homme Jésus qui sera sur le trône aujourd'hui. That man, Jesus, that Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Jesus, my Lord and my Savior. Alors, Jésus est Dieu. Jesus is God. Qu'on le veut ou pas. Whether you want it or not. Découpez-le en toi, il va te reconnaître. Coupez le Père, vous envoyez à gauche. Mettez le Saint-Esprit au milieu. Coupez le Fils, mettez le côté. Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois dieux en un. Non, non, non. C'est un seul Dieu qui se manifeste dans les différents attributs. Comme il s'est rabaissé dans la forme humaine, on l'appelle Fils. Son, parce qu'il s'est rabaissé. Because he came down. Parce que son Dieu, il y a un père quelque part qui l'a touché. Non. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 28. Il dit que lorsque nous disons que toute chose a lui a été soumise, parlant de Jésus notre Seigneur, il est manifeste que celui qui l'a soumis toute chose est accepté. Après qu'il aurait gouverné et fait régner jusqu'à ce que détruit tous ses ennemis, mettre ses ennemis sur son marche-pied, il va soumettre lui-même dans le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, il y aura un seul Dieu cette fois-ci. Dieu sera au-dessus. Tout cette fois-ci. Pas vrai, frère? Mais il y a un problème. On dit Jésus que son royaume est éternel. Il est le roi des rois. Et dans un royaume, celui qui est le plus élevé, c'est. Quand il va régner éternellement en tant que roi, son père sera où? Alors qui est le roi du royaume de Dieu? And who is the king of the kingdom of God? C'est qui? Quand il va prendre son sang en tant que roi dans le royaume, son père sera où? When you take the function of the kingdom, where would be his father? Ça, on va juste pas lire ta Bible. Alléluia. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue. On continue. Bon, quand vous avez lu la Bible, je vais toujours continuer à citer la Bible, d'accord? Si vous lisez Acte des Apôtres chapitre 9, l'apôtre Paul, enfin, à ce moment-là, il n'est pas encore apôtre.